Le groupe Belussi, votre spécialiste en sanitaire, chauffage, plomberie, partenaire des services des sports de Fly FM, vous offre ce programme. Fly FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Top Chrono, Top Chrono. Bienvenue dans Top Chrono Weekend. Bonne année 2017. On peut vous souhaiter que de bonnes choses. Toute l'équipe est autour de moi. Pendant une heure et demie, on va parler de sport. On ne s'est pas quitté. N'oubliez pas, pendant ces fêtes de Noël, on a continué à bosser fortement au niveau de l'estomac. Mais je peux vous assurer qu'on va demander à celui-là qui arrive de l'Est, notre ami Didier Bougo, puisque c'était lui qui est allé le plus loin avant de voir un petit peu toute l'équipe de Top Chrono. Comment tu vas, Didier? Tout va bien, je suis là et bon, je tiens à remercier l'accueil que j'ai eu à Moscou. Voilà, j'aimerais juste que mon micro soit un petit peu plus élevé. C'est vrai que je me suis bien rempli la panse, j'ai bien bu, j'ai bien fêté le champagne. Et je suis toujours là avec vous. Ça m'a fait plaisir. On ne va pas aller plus loin parce que je crois que la peau du ventre est bien tendue. Tu l'as dit. On va voir si la technique pour cette année 2017, et je sais qu'ils vont vous souhaiter leurs vœux pour cette nouvelle année. Pardon. On voit de suite si Monique va très bien. Elle est déjà à fond la caisse. Bonjour Fred. Bonjour l'équipe. Je suis contente d'être à nouveau avec vous. Et puis Gilles, qu'on va retrouver avec nous tout au long de cette année 2017. Bonjour Gilles. Bonjour, bonne année à toute l'équipe et aux auditeurs. Merci Gilles. Gilles qui viendra bien sûr avec nous sur les futurs directs de cette année 2017 sur tous les terrains de sport. Et avec nous, la charmante Marie qui s'occupe d'Horizon. Bonjour Marie. Bonsoir tout le monde. Et puis bonne année 2017 pour tout le monde. Et puis on va savoir si il est passé enfin aux choses sérieuses en 2017, puisqu'il avait promis plein de nouveautés. Il avait dit qu'il ferait quelque chose d'un travail, on va dire, cellulaire sur lui-même. C'est notre ami Jean-Yves. Bonsoir Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et moi aussi, j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs voeux. Alors Fred, j'ai pris des bonnes résolutions. Je vais essayer d'être gentil avec tout le monde cette année. Ça va être compliqué parce que tu es un grognard, normalement ça ne devrait pas durer. Je ne te cache pas que, pas plutôt prise de cette résolution, je l'ai déjà regrettée et je la regrette encore vu l'actualité de ce week-end. On y reviendra si tu veux. Allez, on passe avec Marie. Dans quelques minutes, on va retrouver Henri. On va juste donner la parole puisqu'il est là ce soir. Ça me fait très plaisir. C'est le président de Fly FM, le directeur d'antenne, François Gomez. Bonsoir François et tous nos meilleurs vœux de toute l'équipe. Bonsoir Frédéric, bonsoir toute l'équipe, bonsoir à nos auditeurs. Bien entendu, pour 2017, je ne vous souhaite que du bonheur, de la santé, du travail. Je sais que ce n'est pas facile en cette période, mais c'est tout ce que je vous souhaite à vous tous pour cette nouvelle année. Bonne émission. Allez, restez avec nous, vous allez voir, on va vous réchauffer dans une ambiance un petit peu refroidie. Et c'est Marie qui s'écolle pour le sommaire de cette émission. Alors, pour le sommaire, ce sera du rugby à 15, c'est la reprise. Pour les championnats régionaux, Fred et Jean-Yves reviendront sur les résultats. Rugby à 13, la Nationale 1 a joué, Cavaillon prend l'eau. Football, analyse et commentaires sur les matchs du week-end avec Henri et GFoot 84. Nous en parlerons un petit peu plus. Basketball, le SAP est reparti en 2017 dans ce championnat de National 1 et c'est encore une défaite. Le rallye de Monte Carlo moderne arrive à grands pas. L'historique passera par Courthézon. Tout ce qu'il faut savoir dans cette émission. Athlétisme, les championnats de Vaucluse de cross-country se sont déroulés dimanche. Surprise chez les vainqueurs. Bibi Bougon reviendra sur les résultats. Nous aurons bien entendu l'Horizon, le rendez-vous de sortie sportive avec moi-même. Et puis ensuite, Focus, le club de sorgue athlétisme, est l'invité pour parler du championnat de Vaucluse de cross-country. Les surprises à l'arrivée ont très surpris. Voilà Marie, merci. Eh bien écoutez, vous êtes prêts? Allez, on est parti pour une heure et demie de sport. Top chrono, rugby à 13. Ah, moi j'aurais aimé le 15, messieurs. Eh bien, tant pis, on va rester sur le 13, avec Jean-Yves. Jean-Yves, la Nationale 1 de ce rugby à 13 pour le Est. Ça jouait, mais je crois que déjà, tu as un petit coup de gueule en 2017 à donner. Ça me fait plaisir, ça n'a pas duré tout quand tu fais les bonnes résolutions. Non, on va pas s'énerver, ça ne sert à rien. Juste rendre un hommage à nos amis de Cavaillon qui éprouvent toutes les peines du monde dans leur poule de National 1 avec un effectif vraiment compliqué à gérer et surtout à rentabiliser. Deux entraîneurs, Jean-Louis Richard et Ali El Galmi, qui sont des bons mecs, mais qui éprouvent les pires difficultés pour mettre tout ça en ordre de marche. Et puis voilà, Cavaillon qui n'a toujours pas gagné le moindre match cette saison, qui s'est encore incliné sur son terrain ce week-end sur le score de 14 à 36 face aux Catalans du Barcarès. Et ils sont un petit peu en souffrance, nos amis cavaillonnais, manque de peau pour eux. Par contre, je voudrais juste mettre effectivement un petit coup de gueule. Puisque, ça m'étonne. Ah, ça y est, on va y aller. Mais c'est pas pour les clubs. C'est pour ce qui se passe en général, malheureusement. On a eu des très mauvaises nouvelles pendant les vacances, pendant la coupure, avec une fédération française qui, comme l'avait indiqué le président lorsqu'on l'avait rencontré, a fait faire un audit des comptes de la Fédé. Un trou abyssal, plus de 250 000 euros à la Fédé, qui a été creusé par l'ancienne équipe de Zaluendo. Et voilà, le président qui a été obligé de prendre des mesures drastiques. La Coupe du Monde de rugby à 13 en e-sport qui va se dérouler en France et pas en Australie, ça c'est un moindre mal. La Coupe du Monde féminine qui devait se dérouler en Australie, les filles, les françaises n'iront pas en Australie, alors qu'elles ont bossé depuis des années pour ça. La Coupe du Monde universitaire, pareil, qui devait se dérouler en Australie en 2017, ça c'est pareil, c'est aux oubliettes. J'ai une pensée pour les mecs qui se sont levés l'âme, pour les filles qui se sont levés l'âme pendant des mois et des mois et des mois pour se qualifier pour ces événements, ouais, qui ont été qualifiés, qui ne pourront pas les jouer. Alors le championnat va reprendre le week-end prochain. Le SOA, on va dire qu'ils ont fait un début de championnat, une première partie 2016 de championnat qui a été somptueuse. Est-ce qu'on peut s'attendre à mieux en 2017? Peut-être on analyse sur ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Eh bien écoute Fred, le SOA avait mis des objectifs qui étaient la quatrième place. On sait que les quatre premiers, les quatre cadors de ce championnat, qui sont les trois Audois, Carcassonne, Limoux, Lézignan, plus le 13 Catalan Saint-Estève, maîtrisent la situation, trustent les quatre premières places, et pas depuis que cette année, depuis déjà même les deux ou trois saisons précédentes. Il me semble, moi, que le SOA a l'effectif pour venir se glisser dans le quatuor de tête, ce qui serait une belle performance. Les nouveaux Australiens, les nouveaux imports du SOA donnent pleine satisfaction avec cet arrière qui a été repositionné au centre. Des mecs qui pour une fois apportent une vraie plus-value au groupe du SOA, et puis qui vont peut-être permettre à l'effectif de Renaud Guigue de franchir un cap et pourquoi pas de se qualifier dans les quatre premiers, ce qui serait une belle satisfaction. On y croit cette année, on a bien croisé les doigts, on a bien analysé ce championnat, on peut croire à la valeur de cette équipe. On a vu quelques matchs depuis le début de la saison. Il y a un point faible au SOA qui est identifié depuis le début, c'est les déplacements. Le SOA a du mal à s'imposer, à être régulier à l'extérieur. On ne sait pas pour quelle raison les joueurs de l'équipe 1 n'arrivent pas à reproduire ce qu'ils reproduisent lorsqu'ils jouent à Saint-Ruf. C'est un petit peu problématique parce que du coup, ça laisse échapper quelques victoires quelques points relativement bons à prendre et qui manqueront peut-être en fin de saison. Mais pour le moment, le tableau de marche est largement respecté, Fred. Alors je te garde encore un petit peu parce que j'aimerais qu'on ouvre un petit peu la page Entraigue, cette équipe d'Entraigue National 1. On redescend un petit peu puisqu'on était en Ligue, en élite de 1, on passe en élite 2. Alors, parlons de cette équipe d'Entraigue qui a eu un petit peu du mal dans cette première partie du championnat. Mais pour toi, la deuxième partie est peut-être plus favorable pour qu'on puisse pérenniser en élite 2 pour Entraigue. Ouais, alors la première partie de saison a été compliquée pour les Entraiguois. D'abord, il a fallu s'adapter à une nouvelle compétition avec finalement peu de recrues. Un effectif qui était rodé, mais qui n'a pas été plus étoffé que ça. Voilà, ces Antriguois qui cette année bénéficient de l'apport de quelques joueurs du SOA, de l'élite 1, qui viennent grossir les rangs d'Andrègue lorsqu'il y en a besoin. Pour le moment, là aussi, les Antriguois sont dans leur tableau de marche. Hein. Ils n'ont pas annoncé qu'ils allaient se qualifier. Ils n'ont pas annoncé qu'ils allaient être champions de France. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire quelques coups et puis sauver leur place en élite 2. Pour moi, c'est largement jouable. Ils ont eu un calendrier un peu bizarroïde avec un match qui n'a pas été joué à Montpellier pour cause d'inondation, un week-end sans jouer, enfin voilà. Et au bout du compte, je crois qu'ils sont restés pratiquement 5 semaines sans jouer. C'est pas facile pour faire tourner un groupe, c'est pas facile pour garder la cohésion. La deuxième partie de championnat me semble beaucoup plus à leur portée. Ils ont déjà réussi quelques superbe coup, puisqu'ils se sont imposés face à Villegayenc sur leur terrain, alors que tout le monde pensait qu'ils allaient prendre la foudre, la marée et tout le reste. Ils ont fait quelques bons coups. Les Antriguois, et ben voilà, d'après moi, ils vont sauver leur place, de la même manière que Carpentras va sauver sa place. Alors là, parlons de Carpentras, puisque tu es en plein dedans. Ce derby, est-ce que ça sera révélateur pour la suite de ce championnat? On sait que les derbys se jouent, des fois marquent les esprits. Et des fois, emporte un petit peu, on va dire, dans une défaite qui serait peut-être illogique pour Andrègue, alors des saveurs qui risquent de rester pendant longtemps dans ce championnat. Alors, en fait, le premier match de la saison était déjà un derby qui avait opposé Carpentras à Andrègue au stade de la Roseraie. Premier match d'Andrègue à nouveau en élite 2. Les Antriguois qui auraient pu remporter ce match-là, et puis finalement qui avaient été cueillis à l'expérience un petit peu à la roublardise des Carpentrassiers, ça avait mis effectivement un petit coup d'arrêt. Probablement que là, le match retour sera différent, d'abord parce que c'est Andrègue, et on sait que le public Antriguois... C'est le week-end prochain déjà, je crois. Je sais pas, Fred, je voudrais regarder, mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les données vont être complètement différentes. Les Antriguois ont pris la mesure du championnat d'élite 2. Ils savent maintenant à quoi s'attendre. Le rythme, la puissance, qu'est-ce qu'il faut pour gagner des matchs. Il y a des mecs qui ont acquis de l'expérience. Il y a des mecs qui répondent aux attentes. Je pense notamment à leur meneur Jimmy Jean qui est en pleine bourre là maintenant. C'était peut-être pas le cas en tout début de saison. Et puis ce match-là, oui, va compter énormément. Ça ne changera pas grand-chose au classement. C'est juste une victoire. Mais en tout cas, pour la suprématie, et puis pour... La vie du groupe, peut-être. Ouais, pour la vie du groupe, ouais. Peut-être que de choper Carpentras sur leur terrain, ben, ça va leur faire du bien. J'espère en tout cas que les Antriguois l'emporteront ce match et de la plus belle des manières. Espérons que la bûche et les marrons glacés ne seront pas restés trop en travers dans l'estomac pour la reprise de ce championnat qui est prévu le week-end prochain. Écoute Fred, connaissant les Antriguois, connaissant leurs entraîneurs William Roux et Julien Scaramuza, je te garantis que les mecs qui ont fait des excès les ont déjà payés, largement payés. Ils sont prêts, ça y est, ils ont déjà tout éliminé. Merci pour cette belle analyse. Top chrono, rugby à 15. Allez, rugby à 15, on va parler bien sûr des championnats régionaux. C'était la reprise dans ce championnat PACA, puisque les fédérales redémarreront la semaine prochaine avec un déplacement, on y reviendra, de la SPC en fédéral 2 du côté de hier Carqueiran. Mais revenons plutôt à ce qui nous intéresse, juste après bien sûr avoir passé et savoir fêter la bonne année 2017. Le championnat Honneur PACA reprenait ses droits et bien sûr les résultats, eh bien on va les faire donner par Marie dans ce championnat Honneur, puisque l'équipe de l'ESM de Monteux a brillé. Alors, RC Draguignan Monaco 28-24, Uzès Saint-Laurentin 30-23, Saint-Saturnin Fossistre 32-0, Monteux Salon de Provence 38-5, Sisteron Valréas 6-11, Le Mourillon Le Bossé 26-11. Le RC Draguignan est premier, Monteux se situe deuxième sur 12. Voilà. Voilà, merci Marie, et surtout on voit cette équipe de Saint-Saturnin qui recule. Depuis qu'est arrivé Marc Pigeot, eh bien, pour l'instant, les résultats sont toujours un petit peu en attente après cette 12e journée de championnat. Jean-Yves, on peut parler de ce championnat honneur, puisque Monteux est deuxième, juste à un point de ce RC Draguignan, qui était un petit peu l'épouvantail de la poule. mais tout compte fait, Monteux peut croire en ses chances. On verra en 2017, mais il est fort possible qu'il fasse juste l'ascension entre le championnat PACA et la Fédérale 3. Il va falloir être assidu et, on va dire, dur au mal à domicile face à des adversaires qui vont venir sûrement essayer de grappiller quelques points. Alors, on parlait des matchs, il y a deux secondes avec le 13, là, Fred, on parlait des matchs qui étaient importants dans une saison. Oui. Il y en a eu un, il n'y a pas très longtemps, le mois dernier, à Saint-Saturnin, opposant Saint-Sat à Monteux, oui, un derby. Monteux a juste marché sur les joueurs de Saint-Sat. Ils leur ont marché sur la tronche, ils les ont fait reculer pendant toute l'après-midi en mêlée, les ont privés de ballon. Au total, pour leur filer 30 ou 40 points à domicile. Cette défaite-là, pour les joueurs de Saint-Sat, a été dur à avaler, a été dur à digérer, puisque ça a marqué et les esprits et les corps. Les mecs se sont aperçus qu'il y avait encore du boulot à faire et ça n'a pas été une très très bonne nouvelle pour les Saint-Saturninois, contrairement aux joueurs de Monteux qui ont réussi à capitaliser sur ce match-là en disant, bah, après tout, on est allé marcher sur la tronche de Saint-Sat. À Saint-Sat, on peut le faire de partout. Et puis, on voit ces joueurs de Monteux qui sont dans une bonne dynamique. Comme tu le disais, il n'est pas impossible qu'ils remontent en Fédéral 3. Mon avis, c'est que c'est prématuré. Mon avis, c'est qu'ils ne devraient pas le faire. Mais ce n'est que mon avis. Ils devraient prendre peut-être encore une année en honneur, continuer à construire, continuer à reconstruire le club. Et puis après, pourquoi pas retourner en Fédéral. On devrait avoir, et dans quelques semaines, et tout proche même, on devrait avoir le président, M. Roblin, dont j'ai pris déjà note avec lui, pour une venue ici dans Top Chrono Weekend, dans le magazine Focus. Il viendra nous expliquer les ambitions de ce club. Il cherche, oui, de toute manière, à remonter rapidement en Fédéral 3, d'après son président. Alors nous verrons si le SM de Monteux est à la hauteur pour cette année de remonter en Fédéral 3. Tu sais, oui. Non, excuse-moi, je te coupe, mais tu sais, on prend l'exemple d'un club comme Lille-sur-Sorgue qui est remonté cette année en Fédéral 3, mais qui avait pris le temps de préparer sa remontée, qui avait pris le temps de préparer ses structures, qui avait pris le temps de trouver de l'argent, de former des joueurs. Et puis on voit, Lille-sur-Sorgue, il n'y a pas de secret. Bizarrement, un club qui a préparé le coup, ils sont à leur place, ils font des bons résultats, ils sont deuxième ou troisième là du championnat de Fédéral 3. C'est pas simple, tu sais, Fred, de monter, de faire l'ascenseur et de vouloir remonter de suite. C'est souvent risqué et j'espère que ça ne sera pas le cas de nos amis Montelet, même s'ils ont les moyens de le faire. Moi, je suis quand même assez provençal et tu connais que les présidents ont beaucoup d'ambition pour leur club. Tu en es peut-être un petit peu victime, toi aussi, dans un certain club. Non, je suis pour que les Montiliens remontent s'ils ont les moyens de le faire. Ouais. Je dis juste que c'est bien des fois de savoir pérenniser en honneur, par exemple, de prendre le temps de reconstruire. On sait que le club de Monteux était dans un état pitoyable à la fin de la saison dernière. Et voilà, alors bien sûr que c'est dommage de priver des joueurs qui ont bossé toute l'année d'une montée, bien sûr. Mais voilà, c'est un peu à double tranchant. Et effectivement, on connaît tous l'histoire qui nous concerne. Donc voilà, peu importe, s'ils montent, tant mieux, en espérant qu'ils fassent de bons résultats. Si c'est pour monter, pour recommencer à prendre 30 ou 40 points tous les week-ends comme la saison dernière, où est l'intérêt ? Voilà, affaire à suivre et on aura un élément de réponse avec le président Roblin qui viendra ici dans les studios de Fly FM. C'est vrai que j'aurais pu aller les voir ce week-end. Malheureusement, on va dire que le carnet de rendez-vous était un petit peu complet. Passons en promotion d'honneur, toujours en championnat rugby à 15 PACA et Marie va nous donner les résultats de la 11e journée. Alors, Bagnols-Marcoul, RC Sevenol 7-8, Arles-Saint-Fosséen 18-3. Sanaris Muc 27-25, Nove Antibes 29, Ajaccio Web Elis 24-5. RC Sevenol est premier. Dans cette poule. La poule B. Oui. C'est ça? Non, c'est trompé. On est complètement. On est parti et on est bien sûr en première série. On va continuer avec les résultats de la première série, championnat de Provence. Alors, Orange Sorgue Renouvez reporté. Gignac Marignane, Penn Mirabeau 10-34, Pernes Vauvert 17-7, Tarascon Gap 25-0. Les Penn Mirabeau est premier, Sorgue Renouvez 3e, Pernes 6e, Orange 7e, sur 9. Allez, on va continuer avec la deuxième série. La pub va arriver juste après. Landorgom Miramas 21-3, Bolène-Vidourle 8-8, Vaison-Huchot 8-27, Oraison-Fort-Calquier Uvonne-Marseille 5-46. Huchot est premier, Bolène est quatrième et Vaison est sixième sur 9. Et puis on va prendre les résultats de la troisième et la quatrième série. Comme ça, on aura terminé et juste après, enfin, Monique pourra s'exprimer. Tarascon Graveson 0-8, Saint-Andiol Montfaucon 32-10, Saint-Rémy Gémenos 21-17, Manosque Perne 22-7, Pont-Saint-Esprit Pertuis 29-5. Graveson est premier, Pertuis 7e, Perne 8e sur 10. Allez, on reviendra avec Jean-Yves dans quelques minutes, le temps à Marie de pouvoir, de parler de Monique, de pouvoir nous mettre la pub et on revient tout de suite avec le rugby. Top chrono, rugby à 15. Allez, on est revenu dans cette émission Top Chrono. Oui, on était avec le rugby à 15. On a vu un petit peu tous les championnats série. Alors, Jean-Yves, on va revenir à cette première série. Sorgue qui devait jouer face à Orange, un derby alléchant, première série. Mais malheureusement, on n'a pas eu de résultat. Le match a été remis. Tu n'as pas plus d'infos. Ah si, j'en ai plein d'infos, justement. C'est pour ça que finalement, mes bonnes résolutions, elles auront explosé dès la première émission. Juste pour pousser un petit coup de gueule, pour ronchonner. Ça suffit, des principes de précaution, les attentions, il ne faut pas faire jouer les mecs quand il fait trop froid, et le terrain il est dur, et le terrain il est mou, et il pleut pas, il y a du vent, il n'y a pas de vent, et oh les types, ce sont des adultes pour la plupart, ils jouent au rugby, le rugby c'est un sport d'hiver, c'est un sport où on joue en hiver, pour la plupart du temps, on est capable de jouer à l'extérieur, on ne connaît pas de salle, ni toi ni moi, qui accueille des matchs de rugby de haut niveau, la seule salle qui fait ça, c'est à Cardiff, ça s'appelle le Millennium Stadium. Pour le reste, les matchs de rugby se jouent à l'extérieur. Et là, en top 14 ce week-end, le match Pau-le-Loup a été reporté pour cause de terrain gelé. Et nos amis Sorguet se sont crus fondés à demander le report du match entre Orange et eux. Match qui devait avoir lieu à Orange au stade Costa, sous prétexte que le terrain était un petit peu froid et un petit peu dur. Et à un moment, moi je me dis que ça suffit, à force de mettre les mecs dans du coton, d'avoir la trouille qui se blesse, qui se pète un petit doigt ou qui se casse un ongle, et ben ça suffit. Voilà, le rugby c'est un sport qu'on joue en hiver dehors. Voilà, ben écoute, je crois que tu as bien analysé les choses parce que c'est le seul match qui a été remis. C'est quand même formidable, on peut regarder tous les matchs de série, on a tous les résultats sous les yeux. Ouais. Eh bien, c'est le seul match. Alors, Orange face à Sorgue Renouvelle, peut-être c'était plus une soupe de phalange qu'un grand match de rugby. Ouais, mais c'est un petit peu à l'image de ce qu'on voit maintenant, de ce qu'on vit. Alors, les Pernois, qui, eux, par contre, ont joué leur match, qui l'ont remporté face à Vauvert, match compliqué aussi, hein, puisque aussi étaient fondés à demander le report de ce match-là, puisqu'ils n'étaient pas favoris, les Pernois, et ils auraient très bien pu faire le chantier en disant « Non, non, mais nous, on a un mec qui a mangé un peu trop de flan hier soir et qui ne peut pas jouer aujourd'hui. » Non, non, eux, ils ont joué, ils sont allés au bout de leur raisonnement. Et puis, à côté de ça, on voit ces Sorguet, là, ancien club de haut niveau, entre guillemets, hein, puisqu'on se souvient qu'ils avaient évolué en première division il y a une vingtaine d'années. Et bien là, maintenant, ils sont au tréfonds du classement et dès qu'il fait un petit peu froid, et bien, ils demandent le report du match. Quand il tombe deux gouttes d'eau, il faut faire attention que les mecs n'attrapent pas des palmes entre les orteils. Enfin voilà, c'est un peu... Ça me gonfle, c'est le premier coup de gueule de l'année, ça me gonfle. Eh bien ça n'a pas duré parce qu'on a démarré l'émission depuis pratiquement 30 minutes et déjà sa mauvaise humeur est revenue parmi nous. Non mais elle est justifiée parce que je suis tout à fait d'accord avec ses propos. Voilà pour le rugby à 15. Top chrono, football. Allez, on va retrouver Monsieur Henri, on va parler football avec lui. Il y avait bien sûr la Coupe de France, l'Olympique de Marseille qui est allé gagner du côté de Toulouse. On est obligé d'en parler parce que cet Olympique de Marseille, c'est vraiment du pagnolesque puisque le championnat a été, on va dire le début de championnat n'a pas été terrible pour cet Olympique de Marseille. On arrive à la trêve, au Mercato, on est sixième et on va se faire une belle place au soleil du côté de Toulouse. Le match n'était pas du tout à leur faveur, il me semble, dans cette Coupe de France. Hein. Pas du tout, le match a été compliqué, donc les deux équipes étaient au même niveau. Et en même temps, dans ce match-là, l'Olympique de Marseille jouait sans véritable attaquant, donc il jouait avec des ailiers à l'avant. Donc un coup c'était Florian Thauvin, un coup Bounassar, un coup Rémi Cabella. Mais le match était compliqué, mais Marseille a su mettre un peu plus de vitesse lors des prolongations pour remporter ce match. Ouais, juste deux questions sur cette Coupe de France. C'est Cuvigny, encore le petit club là, qui fait trembler tout le monde et qui espère avoir au tirage un club de Ligue 1. Je crois que c'est fantastique pour eux. Ah oui, Cuvigny, comme chaque année, ils sont toujours présents. Donc, ce n'est pas un hasard. Maintenant, on n'est même plus étonné de les voir à chaque fois à ce niveau. Allez, revenons un petit peu plus proche de nous avec ce championnat méditerranéen, hein, de cette CFA, et puis ce championnat en endurance, où c'est que le site est quand même GFoot 84, hein, un super site qui a été créé par la maison Bélussi, hein, David, pour ne pas le citer. Et bien, je crois que là-dessus, on peut vraiment avoir toutes les infos qu'il vous faut pour le football amateur. Je crois que tu en as fait les frais, puisque tu es allé tout à l'heure, mon ami Henri, feuilleté. On peut dire que ce site est très intéressant. C'est un très bon site et la personne, on a vraiment le choix et on peut observer tous les championnats, il y a tous les niveaux, il y a tous les résultats, que ce soit en fait les résultats des matchs ou au niveau des transferts dans les clubs. Ouais, je crois qu'on va te retrouver, Henri, avec on va dire une superbe rubrique, parce que tu vas pouvoir nous parler des jeunes, parce que là aussi, tout à l'heure, j'étais vu un petit peu feuilleté, on a vraiment tout ce qu'il nous faut, même dans les championnats jeunes. Ah oui, il y a tous les championnats des équipes élites aux plus jeunes, les U15, U19, U17. Allez, on voit avec toi les résultats du football. Donc, ce week-end, il y avait certains matchs en retard qui ont été joués. Donc, en CFA notamment, il y a un exploit du Pontet qui a battu le leader sur son terrain 1-0. Donc, c'est un formidable résultat, sachant que le championnat est très serré. Là, pour le moment, il se libère un peu de la pression car il grappille quelques places au classement. La suite alors. Donc la suite, on va passer en DH. Le match qui opposait hier à Pernes, donc défaite de Pernes, c'est un très mauvais résultat pour Pernes, qui jouait contre l'avant-dernier du championnat et qui perd à l'extérieur 2-1. Ensuite, en DHR, le Pontet 2 se classe troisième après sa victoire face à la Valette sur un score de 4-1. On passe ensuite en les résultats des matchs en PHA. Donc Boulbon, Île-sur-la-Sorgue, 5-1. Courtaison, Tarascon FC, 3-0. US Avignon, Barbantane, 3-2. Mayanne, Nyons, 2-1. Montfavet, Bapernes, 1-0. Carpentras, Vedène, 2-2. Donc le championnat est toujours mené par Mayanne et Montfavet, qui se trouve en deuxième position avec 29 points. Mayanne mène le championnat avec 30 points. On passe en PHB, poule A, Monteux-Molège, 2-2, Le Pontet, Mossane, 1-1, Calavon-Saint-Jean-Grès, 1-0, Étoile d'Aubune, Barbantane, 1-2, Jonquière-Rasto, 6-2, un score sans appel, Entraigues-Provence-RC, 3-0. Et les deux premiers qui se rencontraient, Cavaillon et Saint-Didier, Cavaillon amplifie son avance car ils battent Saint-Didier 3-0. Ouais, juste en analyse de cette poule A de PHEB, on peut dire que Cavaillon avait préparé un petit peu leur montée, parce qu'il me semble qu'ils sont un petit peu au-dessus du lot de ce championnat. Ouais, ils sont largement au-dessus du lot vu les résultats. Après 10 matchs joués, il y a 8 victoires, 1 nul et 1 défaite. 29 buts pour 10 contre. Donc il n'y a rien à dire. On passe en poule B. Carpentras, Gadagne, 3-2. Camaret, Villeneuve, 3-0. Velleron, Violès, 3-1, Égalière Orange, 2-2, Dentelle Avignon CFC, 0-2, Sorgue FC Luberon, 2-1, et Château Renard Malocène, 4-3. Dans ce championnat, Orange, bien sûr, on va dire ville footballistique, hein, emblématique même dans le monde du football, hein, qui jouait en 4e division il y a déjà plus de 20 ans. Aujourd'hui, se bat malheureusement en PHB, mais ils sont partis pour revenir en PHA. Hein. Oui, pour une montée avec 38 points, normalement, ils devraient monter cette saison. Est-ce que l'on a terminé, mon cher? Oui, avec le football. Oui, c'est tout. C'est, non, pas plus. C'est tout pour ce soir. Voilà, on ira avec GFoot 84. Si vous ne connaissez pas le site, ben, je propose d'aller le feuilleter. Vous verrez, c'est fantastique. Et avec eux, ben, bien sûr, on travaillera le football. Le responsable de la revue de les informations de GFoot 84 viendra dans les studios de Fly FM avec toi. D'accord. Il viendra quelques soirs nous parler un petit peu de l'actualité footballistique et comment on articule autour de ce site pour pouvoir trouver toutes les infos dont peut-être vous recherchez bien souvent et vous n'avez pas de réponse. Et bien avec cet outil, et bien vous trouverez bien sûr toutes les réponses du football amateur dans le Vaucluse. C'est pas mal, donc, Christian Balson. C'est très bien. En tout cas, pour le peu que j'ai pu voir, c'est, le site, il a l'air très, très, très, très bien fait. Et pour en terminer, eh bien, j'ai eu des nouvelles de Patrice Pêche, hein, qui était le responsable du football dans cette émission. Eh bien, il est pris professionnellement, et c'est pour ça qu'il n'a pas répondu cette année à l'invitation de venir dans le Top Chrono Weekend. Mais ça m'a fait très plaisir d'avoir des très, très bonnes nouvelles. Il passe le bonjour à toute l'équipe de Top Chrono. Et en espérant pourquoi pas le retrouver d'ici peut-être à la fin de saison, venir nous dire un petit bonjour dans les studios. Voilà pour le football, et bien la suite. Top Chrono, basket. Ah ! Alors là, on est en train de sortir la truelle, le marteau, on a préparé la bétonnière. Mais juste avant, eh bien, on va reprendre la charmante Marie qui est avec nous. Elle va nous donner les résultats de cette 26e journée, non, 17e journée de championnat. En national, on est au basketball, en national 1. Alors, Jet Vosges-Orchy, 79-70. Angers-Caen, 95-101. Vitré-Chartres, 73-76. Andrézieux-Souffelway, 89-98. Centre fédéral Tarbes-Lourdes, 61-84. Griesse-Oberhofen-Lorient, 84-83. Chalon-Saint-Vallier, 75-68. Rueil-Grand-Avignon-Sorgue, 90-82. Quimper-Rennes, 86-60. C'est Souffelway le premier. Et Avignon se retrouve 17e sur 18. Ouais, juste qu'on va rappeler que le Central Fédéral, eux par contre, même s'ils venaient, ils ne descendent pas, c'est les trois autres qui vont se partager la part du Lyon pour ne pas retrouver la Nationale 2 entre Lorient, Oberhofen et puis le Grand Avignon Sorgue. Jean-Yves Sens est arrivé aux manettes de ce SAP Avignon, un entraîneur qu'on connaît bien sûr parce qu'il était à Aix-Maurienne, il me semble, Aix-Maurienne. Et bien pour l'instant, bon, alors, les résultats sont là quoi. Alors on avait laissé le SAP en très mauvaise posture puisqu'on est allé les voir pour leur dernier match de la saison au COSEC de Saint-Germain-en-Fred, où on avait eu la chance de parler avec certains joueurs qui n'avaient pas voulu qu'on les cite. On avait parlé avec des gens qui ne voulaient pas. Tout le monde parlait, mais personne ne voulait que ce soit dit et répété. Bref, on ne l'a pas fait. On n'a pas cité de nom. On a été très gentils, comme d'habitude d'ailleurs. Pendant la trêve, il semble enfin que les dirigeants du SAP et notre ami le président Martin aient compris qu'il y avait le feu à la maison. Il a recruté un entraîneur qui est un bon entraîneur, puisque François Sanz, c'est un mec qui a entraîné à Aix-Maurienne, qui a une montée en National 1 à son actif et qui sait maîtriser, qui sait gérer un groupe et qui sait. On l'a vu évoluer contre Sorgue, hein, quand ils s'appelaient les Aigles de Sorgue, dans leur salle. Je peux vous assurer que c'est un garçon qui connaît bien le basket. Il semble que d'ailleurs les premiers contacts du nouveau coach avec le groupe aient été particulièrement fructueux et qu'ils soient en train d'essayer de redonner un petit peu de confiance à ce groupe qui en avait bien besoin. Les mecs sont traumatisés, on va pas revenir là-dessus, mais l'expérience Lautier a été probablement la pire chose qu'un groupe puisse imaginer. Alors cette fois-ci, c'est moi qui va pousser mon coup de gueule. Moi, j'aimerais juste rappeler un petit peu aux dirigeants avignonnais de laisser tranquille un petit peu le sportif, de laisser les gens travailler. Et ne pas essayer d'influencer par des joueurs qui sont soi-disant des managers et des recruteurs confirmés. On va laisser un petit peu tranquille Sens, on va le laisser travailler parce qu'il y a plus que le feu. Il y a la cabane qui est presque tombée sur le chien, il reste quelques morceaux de bois. Ouais, le cochon dans le maïs et tout et tout. Alors il semble par contre que François Sens soit un mec qui n'aime pas se laisser guider et qui n'aime pas se laisser imposer des choix, quels qu'ils soient. Donc d'entrée, lui, il est arrivé, il a viré, entre guillemets, en tout cas, il a écarté les gens qui étaient un petit peu parasites là au club et qui faisaient un peu des conneries, encore une fois. Le président préside, l'entraîneur entraîne, les joueurs jouent. Ça, c'est le triptyque habituel dans tous les clubs du monde, quel que soit le sport, quel que soit le niveau. Donc là, l'entraîneur entraîne et le président essaie, parce que lui, il ne sait pas présider, donc il essaie de présider. D'accord. Toi, tu as dit, il essaie. Oui. Moi, j'assume mes propos. On l'a vu. Hein, s'il savait présider, on n'en serait pas là. Donc, il essaie de présider. Première bonne nouvelle. Le président a recruté un mec qui s'appelle Bennett Davis, qui arrive de Chartres en National 1, qui avait fait une petite incursion en Pro B à Saint-Chamond. Un mec qui était venu martyriser Sorgue à l'époque à la plaine il y a un ou deux ans, qui avait filé ce soir-là 30 points au SAP. Donc c'est un mec qui a droit, c'est un intérieur, c'est un mec qui sait prendre des ballons, qui sait jouer au basket. Et puis voilà, alors peut-être que sa première apparition n'a pas été concluante, mais comment veux-tu qu'elle le soit? Il y a énormément de boulot à faire. Sens, quand il est arrivé, il a dit attention, moi, ne me parlez pas de play-off, c'est des conneries. Ne me parlez pas de descente, c'est des conneries. On va prendre les matchs un après l'autre, on va bosser, on va remettre le groupe en ordre de marche, le club en ordre de marche, et puis après on verra. Voilà, parce qu'il y a des victoires, mais aussi au gré des rages, il faudra marquer 80 points d'ici la fin de la saison par rapport au premier relégable, puisque si on regarde un petit peu le gré des rages des points, 1320, et Avignon en a marqué que 1250. Alors, Fred, tu sais, quand tout le monde file 50 points d'écart au cadet du centre de formation de l'équipe de France et que nous, on gagne par 3 points d'écart, au bout d'un moment, ces points-là, ils vont te manquer. Et pas que cela, hein, pas que cela, parce que tu as des victoires avec 2 points d'écart et puis tu as des défaites, par contre, qui coûtent très cher. L'autre jour, rappelle-moi contre qui c'était, peu importe. Où tu perds, tu subis une victoire sur ton parquet Chaland. C'était une victoire sur ton parquet à moins 25 points. Donc ben, tu enlèves les 40 que tu dois filer au centre fédéral, ces 20-là, et plus quelques-uns, ouais, voilà, tu y es à tes 100 points d'écart. Et tout ça, eh ben, encore une fois, on ne va pas revenir là-dessus. J'ai dit que j'arrêterai de taper sur ce mec-là. Mais probablement que si les dirigeants avaient dirigé et laissé les entraîneurs entraîner l'an dernier, et n'avait pas fait des choix qui ont été dictés par quelques ressentis ou quelques conneries, appelle ça comme tu veux, et bien on n'en serait pas là. Manque de peau, le SAP est en grande difficulté. Le point positif, c'est qu'à partir de maintenant, dès le 21 janvier, me semble-t-il, ils reviennent enfin dans leur salle de Sorgue. Voilà, et là ça sera différent. On espère que les choses vont bouger. Bien sûr, Fred. Le SAP, c'est Sorgue. Sorgue avec l'argent d'Avignon et quelques gens d'Avignon. Quand le SAP arrive à Sorgue, le SAP retrouve son public, le SAP retrouve une vraie envie de jouer. L'an dernier, il y avait des difficultés dans le club. Dès qu'ils sont arrivés à Sorgue, bizarrement, la machine s'est remise à tourner un petit peu. Pourquoi pas, espérons. Allez, on sera très attentif à ton analyse. Et pour l'instant, il y avait encore Monique qui vient avec sa pub là. Top chrono, basket. Allez, on va venir avec le basket avec Marie qui va nous parler un petit peu des championnats régionaux. Et on parlera bien sûr de ces filles de la Barrière qui brillent en ce moment. Alors, en Ligue de Provence pré-nationale, Poule B, Tarascon-Val-de-l'Arc, 66-49. Entraigues-Pernes-Les-Angles, 64-39. La Ciotat-Rognonas, 65-63. Rognac-Cabriès, 54-83. Rognonas est premier, Entraigues-Pernes est quatrième, Les Angles 6e sur 8. Et ensuite, en pré-nationale féminine, Laragne oui. Gap, Sainte-Marguerite, 45-50. Simiane Bouc-Bélair, Tarascon, 47-33. Smuc, Golgoth, 48-35. Uspeg, Marseille, Martigues, 65-60. Et Avignon, Barbière, Vitrolles, il n'y a pas les résultats. Et Grans-Venel, 52-34. Avignon, Barbière, pour l'instant, est troisième. Ben voilà, c'est parfait. La suite. Top chrono, sport mécanique. Allez, sport mécanique, on va juste faire une parenthèse avant de parler du rallye du Monte Carlo qui va se dérouler du 15 au 20 janvier du côté de Gap et retour bien sûr en Principauté de Monaco. On va parler du hockey sur glace, championnat de France de deuxième division. Nos amis avignonnais ne trouvent plus la serrure de la victoire puisqu'ils ont perdu 11-1, c'était samedi soir. Mardi soir, une journée de championnat les attend, ça veut dire demain, du côté dans leur salle fétiche en Avignon, à la patinoire, le fameux palais de la glace. Pour le moment, les Avignonnais sont bien derniers. Jean-Yves, un point, 12 matchs, 12 défaites, ils n'ont rien à voir dans ce championnat. Peut-être qu'ils devraient changer, au lieu d'aller au palais de la glace, aller un peu au palais de la bière, ça changerait, ça décontracterait tout le monde. En attendant, c'est dommage pour les Avignonnais, parce que c'est un club sympa, c'est un club où les mecs se donnent à fond, on en connaît, Fred, toi et moi. Ouais, alors je te coupe et je suis très mal poli, juste pour revenir à cette équipe d'Avignon, il faut savoir qu'on a encore des chances, puisque les dirigeants ne s'affolent pas, puisqu'on va repartir dans un deuxième championnat des mal classés, ça veut dire tout ce qui est dans les voitures va crever, quand les pneus qui ne sont pas en règle, ils vont pouvoir à nouveau se remettre en route et pouvoir jouer un deuxième championnat qui risque d'être à la hauteur. Quoi. Ouais, les plaidames, ça s'appelle. On va prendre les 4 ou 5 moins bien classés de National 2. On va prendre les 4 ou 5 mieux classés de National 3, me semble-t-il. On va faire une espèce de mixture là-dedans. Les meilleurs resteront en National 2, les moins bons resteront en National 3. Honnêtement, les Avignonnais ne méritent pas d'être là où ils en sont. Mais encore une fois, hein, c'est à l'image du sport avignonnais où on essaie d'avoir des clubs de haut niveau avec des bouts de chandelle. Là, Avignon est un club qui paye sa patinoire. Et l'argent que le club des Castors met pour payer la location de sa patinoire, eh bien, ils ne le mettent pas dans le fonctionnement du club. Ils ne le mettent pas dans le recrutement de joueurs dont ils auraient besoin, etc., dans la formation, et appelle ça comme tu veux. Toujours est-il que cet argent manque. Alors ils font des miracles parce que ce club, malgré tout, est structuré. Il y a une école de hockey, il y a des mecs qui s'en occupent, mais c'est compliqué, c'est très compliqué pour eux. L'an dernier, ils avaient fait une belle saison, en tout cas, ils s'étaient qualifiés. Cette année, il semble que ce soit plus compliqué. Il faut savoir que les Avignonnais ont joué leurs 4 ou 5 premiers matchs à domicile, à l'extérieur. C'est-à-dire que la patinoire qui loue n'était même pas en état de recevoir des matchs ni des entraînements. Et les mecs, eh ben, ont été obligés de faire avec les moyens du bord. Quoi. Donc un coup, on allait s'entraîner à Marseille, un coup, on allait s'entraîner à Montpellier. Oh, c'est pas très facile pour créer un groupe et encore moins pour préparer un championnat de deuxième division. Mais écoute, c'est parfait, on sera à l'écoute. Revenons maintenant au rallye du Monte Carlo, juste avant de parler du rallye Monte Carlo moderne qui va se dérouler du 15 au 20 janvier. Parlons un petit peu du rallye historique de course, le fameux rallye du Monte Carlo historique. Il passera en Vaucluse, ça sera le 28, il passera à Courthézon. Il faudra se lever très bonne heure puisque 178 équipages viendront croiser les routes vauclusiennes. Ils passeront à partir 4h30 du matin, samedi matin, pour en terminer aux alentours de 6h30. Sachez que Jean Ragnotti reviendra en Vaucluse. Il sera sur une Gordini, une Renault Gordini, puisque le team Renault met 5 Gordini dans ce rallye du Monte Carlo historique. Alors on espère que Fly FM sera présent à Courthézon à partir de 5h pour voir le Vauclusien, puisqu'il était intervenu plusieurs fois sur nos antennes, Jean Ragnotti, et j'espère le retrouver et il nous parlera un petit peu de son avenir chez Renault, puisque c'est quand même le pilote emblématique de chez Renault. C'est lui qui fait des 360 sur les circuits de F1 avant le départ des bolides. Eh bien, on verra ce que devient Jean Ragnotti, qui vit pratiquement le trois quarts de son temps en Malaisie. Eh bien, nous verrons ce qu'il en est de son futur rendez-vous avec l'automobile. Voilà pour l'info. Merci Louis Priano. Le team Trévois Courtoisanais, bien sûr, se mobilise le 28, puisque le rallye historique du Monte Carlo passera aux alentours de 4h30 du matin jusqu'à 6h. Il y aura 178 équipages. Et c'est juste un contrôle horaire, si je peux vous dire, que ça va aller très très vite, puisque les pilotes présentent, tamponnent et repartent aussitôt. Alors, montez bien vos réveils, mais on vous redonnera l'info lundi prochain dans Top Chrono Week-end. Pour le rallye du Monte Carlo, eh bien, vous savez que la semaine prochaine, déjà, les essais des écuries officielles, puisque Citroën revient avec la... pas la DS3, mais la... La DS... DS. Non, c'est pas la DS3, c'est la C3, pardon, voilà. Je veux bien employer les termes. La C3 WRC. Voilà, Citroën revient avec la C3 WRC, le championnat complet. Il y aura bien sûr Chris Meek, l'anglais, qui risque de marquer les esprits, puisque ce sera le pilote officiel de Citroën. On retrouvera Hyundai avec, bien sûr, la fameuse C20, Y20, pardon. Et ça sera bien sûr le pilote... qui est Neuville. Le Belge Neuville, qui sera bien sûr le pilote numéro 1. On retrouvera Dany Sordo en pilote numéro 2. Il faut savoir que le champion du monde, Sébastien Ogier, a profité, on va dire, de cette escarpade, puisque Volkswagen n'a pu assurer, ils avaient annoncé, Volkswagen, 4 ans en championnat du monde, et ils sont retirés, mais ils sont retirés complètement. Il n'y aura pas de Polo WRC dans ce rallye du Monte Carlo officiel. Il y en aura des officieuses, puisqu'il y a deux écuries qui ont engagé deux véhicules, mais surtout Sébastien Ogier sera chez Ford sur une Fiesta. Et lui viendra bien sûr essayer de, pourquoi pas, de devenir champion du monde à bord de cette voiture. Matthijs Jari Latvala, on va dire le penchant de Sébastien Loeb, lui a préféré aller voir chez Toyota, la fameuse Harris. On retrouvera Juan Kankkunen qui viendra... bien sûr argumenter cette écurie Toyota qui sera présente bien sûr sur les routes de Gap, puisque les essais vont se dérouler sur les routes de Gap dans le courant de cette semaine. Sachez que le départ du Monte Carlo, c'est mercredi avec les vérifications à Monaco. Monaco-Gap, ça sera jeudi. Trois spéciales au programme. On n'oubliera pas la spéciale Sisteron-Douard qui devrait se dérouler dans la nuit aux alentours de 19h. Les premières voitures sont attendues à Gap aux alentours de 20h30. Vendredi, ça sera le nouveau départ. Gap-Gap, six spéciales au programme avec bien sûr le passage en selle. C'est la fameuse spécial de Saint-Léger-les-Mélez, eh bien Fly FM sera sûrement au bord des routes. Et puis samedi, ça sera à nouveau le départ pour Gap, Gap Monaco, quatre spéciales au programme. Et bien sûr, le dimanche matin, il y aura quatre spéciales au programme avec le fameux Turini à couvrir deux fois. Et on retrouvera bien sûr tout l'arrivée de ce Monte Carlo officiel aux alentours de 14h en principauté de Monaco. 117 équipages et un équipage dont j'adore, je vais encore le dire, c'est Marc Gaillan et sa sœur qui devraient être engagés sur une Skoda Fabia. Et j'espère les retrouver dans son Monte Carlo. Moi, je voulais juste attirer l'attention sur le retour de mon pilote favori, le Corse, comment il s'appelle déjà, qui va rouler sur une Fiat 124, le retour de Fiat en rallye. Il va rouler sur une Fiat 124 et ça va me revenir très rapidement. Je voulais aussi attirer l'attention sur le fait que notre ami Flo Bernardi participera au rallye Monte Carlo cette année en qualité d'ouvreur, puisqu'il a été embauché par un équipage qui roule en 208, me semble-t-il, 208 R2. Et c'est Flo Bernardi qui a annoncé ça sur sa page Facebook cet après-midi. Il est très fier de pouvoir participer au rallye Monte Carlo en qualité d'ouvreur. Merci de me l'annoncer, puisque c'est vrai que d'habitude, Flo me tient au courant un petit peu de son évolution. Eh bien, c'est bien de l'avoir annoncé. On espère être présent. C'est vrai que pour le moment, on attend les instances de la FIA, savoir si Fly FM pourra couvrir l'événement. Si on couvre l'événement, eh bien, bien sûr, on vous tiendra au courant en haleine de ce rallye du Monte Carlo, et on vous fera surtout vivre un petit peu les équipages régionaux de leur talent et de ce qu'ils feront dans ce rallye du Monte Carlo qui va se dérouler du 15 au 20 janvier. Voilà pour le rallye du Monte Carlo. Top chrono, athlétisme. Ah, ben l'athlétisme, on va y venir tout de suite. Championnat de Vaucluse de cross-country est avec nous. Ben, on va la faire revenir parce qu'elle a participé, elle aussi, à un championnat de cross-country. Mais Didier Bougon a tout noté. Je peux vous assurer qu'avec lui, on sait où on va. Didier. Merci à toi, Frédéric. C'est vrai que, bon, hier, c'était un terrain venteux, mais quand on sait que le cross, c'est un état d'esprit aussi au niveau du courage qui passe. Didier, pour 2017, il va falloir prendre un petit peu d'engagement, un petit peu plus ferme. Bon, ok. Parce si qu'il me semble que tu es là. Ouais, on est très heureux. Vous êtes en direct. Tiens, elle est avec nous, Florence Gonfalon. On va lui dire bonsoir et on est très heureux d'avoir retrouvé en 2017. On l'avait quitté en 2016. Avec le sourire, on la retrouve un petit peu avec des couleurs, mais c'est le temps qui est à l'extérieur, qui est assez refroidi, qui lui a donné de belles couleurs. Bonsoir Florence. Bonsoir. En pleine forme, oui, mais après ce cross venteux, mais avec des médailles, donc c'est ça qui 2017, qui donne du rouge aux joues. Le vœu a été exaucé pour vous ? Pas forcément des médailles, mais toujours autant de participation et d'engagement de nos sportifs, et la preuve en est... C'est bon. Allez Didier, explique-nous tout ce qui s'est passé. Tout à fait, hein. Bon, comme on l'a déjà dit, c'est que le cross, hein, c'est le terrain du courage, hein, au niveau de l'état d'esprit, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il faut y aller. Et hier, c'était pas moins de au moins 600 personnes qui étaient, des petits jusqu'aux grands. Et tirons chapeau, là c'était la première édition également au niveau d'un championnat régional, au niveau des handicapés, non ? Alors juste avant de revenir, Didier, oh, tu sais qu'on a focus dans quelques minutes, il y a Marie, ça fait une heure qu'elle écrit sur le cahier, sur le premier tour, elle va écrire sur le bureau, parce qu'elle veut parler, parce qu'elle a des choses à dire, il y a Horizon qui arrive, c'est sûr qu'en hiver, on est plus en train de manger des marrons autour d'une cheminée que d'aller courir, mais donne-nous quand même les premiers vainqueurs. Juste les seniors et après on reviendra sur ce championnat en détail. Alors au niveau des seniors, c'est vrai que je vais plutôt partir au niveau des résultats au niveau des seniors féminines, aussi bien sur le cross long que sur le cross court. Sur le cross court, faut tirer chapeau à Elodie Magnez qui a fait une promenade de santé puisqu'elle est partie devant, tranquillou, en laissant faire. Et ensuite, bon, elle s'est imposée quand même dans la course au niveau devant Sandra Martin, qui elle a été classée dans le domaine des masters féminines, puisque le master maintenant c'est le nouveau nom qui est employé pour les vétéranes ou vétérans. Et là-dessus, Elodie s'impose en 21-29 devant Migieu de Carpentras en 22-37. Ensuite, Ibanez Penaranda en 23-14. Ensuite, sur le cross-courme, donc c'est Linda Rosello qui est de Cavaillon qui s'impose en 14-46 devant Pacton en 16-07 et une jeune femme Liardet, que c'est la famille que tu connais bien. Pierre Liardet qui était de Apt, hein, puisqu'il était surnommé le... Berger. Le berger du Ventoux, voilà. Le berger du Ventoux. Et Pierre a fait le bonheur du département du Vaucluse dans les années 80 avec différentes sélections. Champion de France du 5000. Voilà. Faut pas oublier. Et à l'époque, ce garçon utilisait très peu la piste et il s'entraînait surtout sur le Ventoux. Or, c'est vrai que, bon, côté féminine, le CSMA s'est largement imposé puisqu'ils ont 4-5 personnes féminines devant. Aussi bien au niveau de la catégorie master avec Sandra Martin et Sandra Saez. Ensuite, Magali Elodie Martin, Magnez, qui s'est imposée sur le cross long, a mené sa barque comme elle voulait. C'est une coureuse de 800 mètres et de 1500. Et l'hiver, c'est une préparation au niveau du foncier pour elle. Et Sandra, quant à Sandra Martin, au mois de juin, si je pense bien, elle est sélectionnée pour les championnats du monde de trail. Donc elle, à la base... Ça lui permet de travailler sur du plus court, d'exploiter un peu sa vitesse maximale aérobie et ensuite de préparer sa saison d'été. Donc chapeau à elle. Quant à Sandra Saez, également, maintenant elle prépare la saison de cross, mais aussi le but c'est les courses sur hors stade pour la saison d'été. Alors peut-être que j'aimerais l'écouter. Combien de participants à ce cross alors ? Bon, au total, on est à peu près dans les 600, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Hein. Après, bon, tout le monde est bien content qu'il y en ait 600, mais j'ai connu une époque où on était plutôt entre 650 et 800 participants. Allez, restez avec nous, on va revenir avec Didier dans quelques minutes dans le magazine Horizon. On aura Florence Gonfalon qui viendra nous parler, bien sûr, du sport handicap, puisque aussi ils avaient leur cross. On reviendra, bien sûr, sur les surprises. On va gratter dans ce championnat du Vaucluse. On attendait des coureurs, on va dire, à l'honneur, mais malheureusement, c'est un des d'autres qui l'ont. auront chippé, on va dire, le tchèque leader. Chip, oui, si on veut comme ça, on va employer des mots compliqués. Je suis pas trop d'accord avec l'éditorial. Tout à l'heure, tu pousseras ton coup de gueule et Jean-Yves t'aidera à trouver les mots. Mais pour le moment, ça, j'ai confiance en lui. Je parle pas le russe, moi. Je suis désolé. Bah, on va continuer avec Horizon. Allez, ce soir, le magazine Horizon, c'est le rendez-vous avec Marie. Prenez un papier, prenez un crayon, des stylos, ce que vous pouvez. Et puis, peut-être qu'elle va vous permettre de vous réchauffer ce week-end qui va être glacial. Alors, je vais vous parler avant de handball. Le 14 janvier, le Handball Club Pernois qui organise une journée purple avec à 15h les moins de 12 ans masculins contre Cavaillon, à 17h les moins de 16 ans masculins contre le Pays d'Apt, à 19h les moins de 18 masculins contre Marignane et enfin à 21h les seniors masculins contre Avignon et ce match-là comptera pour les honneurs régionales. Ce sera au gymnase Paul de Vivier à Pernes. Ensuite, je vous propose une randonnée VTT. Ce sera la 27e édition de la randonnée du Mur de la Peste qui sera à Lagnes ce samedi 21 janvier. Cette randonnée VTT qui accueille chaque année plus d'un millier de participants sur 4 parcours de 15, 25, 35 ou 45 km. Et pour ceux qui ne seraient pas plutôt vélo, ce sera un circuit pédestre de 12 km. La manifestation se déroulera au départ de la salle de la Grange à partir de 7h30 du matin et la clôture est fixée au même endroit à 16h, donc à Lagnes. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus gastronomique puisque ce sera une rando bistrot autour du Diamant Noir. Ce sera le dimanche 22 janvier et ce sera à Crillon-le-Brave sur la découverte du Diamant Noir et de son écrin. Le concept initié par la Fédération des Bistrots de Pays en partenariat avec le syndicat mixte du Mont Ventoux et l'agence Provence Authentique qui allie une randonnée accompagnée par un professionnel diplômé, une rencontre avec un agriculteur ou un artisan local et un repas de terroir dans un bistrot de pays. C'est où ? C'est à Crillon-le-Brave. Non, mais donc, le repas, ça. Attends, j'en viens, j'arrive. Ne sois pas si pressé. Tu vas changer d'avis. Alors, ce sera donc. Vous cheminerez autour d'un village perché de Crillon-le-Brave avec Cédric Demangeon, guide professionnel. C'est un endroit idéal pour le cavage de la truffe. À midi, une escale au bistrot de pays, le Saint-Romain, à Crillon-le-Brave. Enfin. Sera l'occasion de déguster ce champignon rare et précieux, préparé par le chef François Mossoun. Et l'après-midi, vous vous déplacerez de quelques kilomètres en voiture pour aller à la rencontre de Christophe Chaumard, qui est un trufficulteur installé à Bédouin. Il effectuera pour vous une démonstration de cavage avec son chien. Parfait pour nous, ça, Fred. On peut y aller voilà. En voiture. Ensuite, je vais vous parler... Si vous voulez savoir un petit peu le tarif, ce sera 60 euros. Ça comprend le guide, les visites... C'est pas parfait. Le guide, les visites et le repas truffé au bistrot de pays. Et les réservations se font auprès de l'agence de voyage Provence Authentique au 07 88 10 03 91. Donc c'est pour le 22 dimanche. Maintenant, je vais vous parler d'un premier festival de films sportifs qui promeut le département, c'est 84 nuances de sport. Le premier festival du film sportif de Vaucluse, initié par le comité départemental olympique et sportif de Vaucluse en partenariat avec Profession Sport 84 qui a commencé déjà depuis le 13 décembre à Avignon, repart de pas vif en ce début d'année avec 3 dates en janvier. Demain, ce sera à Carpentras, à l'Espace Ozon. Le mardi 17 janvier, ce sera à Vaison-la-Romaine au village Léo-Lagrange. Et le mardi 24 janvier, à Apt, à la salle des fêtes, à 19h30 chaque fois. Ces soirées s'articulent autour de 2 films. Le premier d'une heure environ a été réalisé de façon professionnelle par 2 sociétés vauclusiennes avec des images sportives tournées sur 8 mois en 2016 partout dans le département. C'est une sorte de zapping montrant une trentaine d'activités sportives dans leur décor. Le Rhône pour l'aviron, le Ventoux pour le vélo, etc. Ce film fait la promotion du Vaucluse, vu comme un vaste et magnifique terrain de jeu et de sport. Le second film réunit une sélection de films sportifs amateurs tournés par des particuliers des clubs sportifs ou d'autres associations. Ce festival est parrainé par Jérémy Azou. Donc, ça, j'en viens là. Et maintenant, je vais terminer avec la mise en l'honneur d'un Orangeois. Il s'appelle Sofiane Benhamed, qui est attaquant dans l'équipe de France de foot béquille. Tu connais ce sport ? Voilà. Alors, il n'y a d'équipe en Vaucluse. Donc, ce passionné de foot a eu un accident et donc a été amputé d'une jambe droite. Et il était tellement passionné pour ce sport qu'il s'est renseigné un petit peu et quelqu'un lui a parlé de ce sport. Il s'appelle donc le foot béquille, mais qui s'entraîne près de Grenoble. Donc il s'est rapproché de ce club et il est rentré dans l'équipe de France. Alors son objectif, ce serait pour lui de pouvoir créer une équipe de foot béquille dans le Vaucluse. Alors, cette discipline qui date des années 80 a été lancée officiellement en 80 à Seattle par un Américain, Sir Don Bennett, lui-même amputé. Alors, ces règles s'inspirent très largement de celles de la FIFA et du football vétéran à 7, traditionnel, puisque les joueurs jouent debout. Mais les joueurs n'ont qu'une seule jambe et le gardien une seule même. Ouais, la différence, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser les béquilles. Nous n'avons pas le droit de nous servir de nos béquilles, absolument, ni pour attraper le ballon, ni pour toucher un autre joueur, explique justement Sofiane Benhamed, qui joue dans le FFA, équipe française de football pour personnes amputées. Sur le terrain, les joueurs ne portent pas leurs prothèses et ils jouent sur un terrain plus petit que le football classique, c'est-à-dire la moitié d'un terrain, plus exactement. Voilà. Ah ben Marie, tu as été excellente. Tiens, moi j'en profite juste pour, dans ce magazine Horizon, avec Florence Confalone, là aussi, le sport handicap, encore une fois, c'est des sportifs qui sont encore à l'honneur et qui, avec une jambe, jouent au foot, c'est pas mal quand même. Ah oui, chapeau, effectivement, entre ça et le foot-fauteuil, le foot est représenté dans le handisport, mais c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas d'équipe de foot béquille dans le 84, mais ce serait super que ce soit le cas. Merci beaucoup pour ces propos. Eh bien, écoutez, focus. Allez, ce soir dans Focus, on va revenir bien sûr sur ces championnats de Vaucluse de cross-country qui se sont déroulés, Didier. Bah, qui se sont déroulés au niveau de Cavaillon pour la deuxième année, enfin pas la deuxième année, mais la deuxième fois puisque c'était en 2014. Et avec nous, bien sûr, Florence Gonfalone, éducatrice à l'association Atom, qui aide bien sûr les handicapés à la pratique du sport et partenaire bien sûr du club de sorgue d'athlétisme. On lance un petit bonjour à Aurélien Caillé qui aurait pu être là ce soir pour nous parler de ce championnat de Vaucluse. Florence, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, Aurélien, effectivement, il est trop gentil, il a voulu me laisser toute la place pour parler des jeunes d'Atom. Mais non, on n'oublie rien, c'était une super journée, première participation pour nous à une compétition officielle pour les coureurs d'Atom et avec des médailles et des super classements, donc c'est génial. Eh bien, on va les mettre en honneur et surtout en valeur. Le résultat dans quelques minutes, le temps qu'on prenne la pause pour le magazine, non pas le magazine, mais surtout le site Facebook Top Chrono, et dont vous verrez les premières images de cette émission avec l'éducatrice de l'association Atom, qui est Florence Gonfalone. Nous revenons, Didier, à ce championnat du Vaucluse. Maintenant, on est à Cavaillon, on a parlé bien sûr de ce qu'on attendait de ce championnat, mais on a eu des surprises, et quelles surprises, puisque les titres font sensation forte, oui, avec ce championnat. Pourquoi sensation forte? C'est-à-dire que les trois premiers ont été déclassés. Et ils ont laissé le quatrième, le titre quatrième. Remettons un petit peu les choses dans l'ordre de marche. Trois qui ont été disqualifiés, pourquoi? Alors, est-ce qu'ils ont bu du coca? Je vais revenir, il y a deux choses. Mohamed Serghini s'impose largement au niveau de la course, avec plus de 400 mètres d'avance sur le deuxième et le troisième. Il prend le départ, il oublie de mettre son dossard. Normalement, les officiels auraient dû lui interdire de participer. Ils l'ont laissé participer. Donc, autant la faute à l'un comme à l'autre. Ensuite, on connaît bien... Alors, attention, si tu veux pousser un coup de gueule, j'arrive là. Je vais te donner ma version. Ensuite, le deuxième... Surtout que je suis au courant de cette histoire, je suis prêt, si vous avez... Ensuite, les deuxième et la troisième. Sur le parcours, on m'annonce... lui-même, il me dit, oh, ils ont coupé Didier. Il leur avait mis déjà 300 mètres dans la vue. Ce qu'il faut savoir, j'ai fait tout le parcours. La rue Balise, par moment, s'arrachait. On en a remis en place à cause du vent. C'était des rafales à 80, mais même plus par endroit. C'est pas volontaire, attention. C'est pas volontaire. Ensuite, la rue Balise, à un moment, était par terre. Quand tu es dans une course comme celle-ci, est-ce que toujours tu te fixes, tu te dis qu'il faut aller tout droit ou à droite? Je pense que les garçons, moi, au départ, on me dit, ouais, ils ont triché. Est-ce qu'il y avait assez de signaleurs? Est-ce qu'il y avait assez de bénévoles sur ce parcours? L'une des personnes, je ne dirais pas son nom, je le connais bien, les a vus tourner, mais quand des fois tu es dans la course, ta lucidité est-elle placée à se dire je vais tout droit ou je vais à droite? Autant ils l'ont fait involontairement. Les deux garçons, je les connais, surtout un qui est de Carpentras, de là à tricher, à se dire bon, je reviens, on n'est plus qu'à 20 mètres du premier au lieu d'être à avoir 300 mètres dans la vue, ça fait gros quand même. Ensuite, je pense qu'au niveau des organisateurs, sachant que quand ils sont revenus à 20 mètres de Mohamed Serghini, ils sont repris plus de 200 mètres dans la vue. ils auraient fait deuxième et troisième, ça revenait au même. Sachant qu'aussi Mohamed Serghini, c'est notre meilleur Vaucluzien et notre meilleur Français à Marseille-Cassis, on était chez nous, on aurait pu quand même se passer de cette disqualification. Alors il essaie de dire disqualification, je vais l'aider, voilà. Bon, on va revenir avec Jean-Yves, peut-être qu'il sait... Tout ça, après, ils ont voulu interpréter leurs choses. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans le département de Vaucluse, on a déjà perdu pas mal d'athlètes. Ils partent à droite, à gauche, ils disent, bon, on va dans le... C'est pas la première fois hein, qu'on a eu des gens qui sont partis, qui se sont dit, oh, basta le comité de Vaucluse, ils commencent à nous gonfler. On a des technocrates, des bureaucrates, et basta. Et maintenant, bon, moi je connais un peu le principe. Bon, on va te laisser t'exprimer, Ensuite, on applique Jean... le règlement, on l'applique, ok, d'accord. Alors, Didier, moi... J'ai entendu parler de cette histoire et ce matin. Mohamed Serghini, il est bien gentil, mais il y a une règle. Ah, il y a un règlement. Moi, quand je rentre sur un terrain de rugby, je rentre pas à poil. Voilà. Donc, tu rentres. Non, mais il faut arrêter. Mohamed Serghini, c'est un bon coureur. Tout le monde le connaît. Et sous prétexte qu'il s'appelle Mohamed Serghini, ça ne lui donne pas plus de droits que les autres. Attention, deux secondes. Je ne suis pas là pour le protéger. Hein. Deux secondes. Donc, il y a des règles. La règle, c'est. Tu t'alignes au départ d'une course, tu dois avoir tes pompes, ton short, ton t-shirt et ton dossard. Ça, c'est un minimum que tu dois avoir. Donc, si Mohamed Serghini prend la responsabilité, c'est pas comme s'il débutait le cross ou la course à pied hier matin. Oui. Le type, ça fait 20 ans qu'il est là. Donc, si lui prend la responsabilité de s'aligner avec un équipement non conforme et qu'il prend un tir... et qui est disqualifié, eh bien, il ne faut pas qu'il queen. Quoi. S'il queen, eh bien, tant pis pour lui, il n'a qu'à assumer. Alors, après, les dirigeants de l'athlète, en général, ont suffisamment fait preuve de leur incapacité à gérer les situations compliquées pour qu'on puisse émettre un doute sur leur probité, etc. Moi, le propos, c'est pas ça. Le propos, c'est il y a une règle, il faut qu'elle s'applique pour tout le monde. Serghini ou pas Serghini. Sinon, tout le monde a... Et puis, si tu autorises Serghini à... La faute est quand même... Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi, Jean-Yves. Revenons un petit peu à cette faute quand même qui est, pour moi, simple. Comment on fait pour aligner un coureur au départ qui n'a pas de dossard? Comment vous faites, vous, les dirigeants du comité de province ou du comité du Vaucluse, là, de Cross, là, alors, intermédiaire aussi après, du comité olympique. Après, l'exemple vient d'en haut. Un gamin qui s'aligne sur une course la semaine prochaine, il va dire, mais si Serghini ne le fait pas et que tout va bien, en plus, mais je ne sais pas, si Serghini ne le fait pas, il ne fout pas son dossard et qu'il n'est pas disqualifié, et bien lui, il n'y a aucune raison qu'il foute son dossard. Et puis ben, c'est la porte ouverte à tous les courants d'air. C'est un débat, parce que des hauts dirigeants ne l'avaient pas vu, avant la course et même à l'arrivée. Certains dirigeants du Vaucluse... Dis-moi. Lorsqu'il y a la virade dans les vignes de Bédaride, il y a un officiel tous les 20 cm. Et ça, c'est la virade dans les vignes de Bédaride. D'accord ? Alors, ne m'explique pas que Serghini, qui part en première ligne du cross de Cavaillon, qui c'était et qui n'a pas de dossard. Normalement, quand tu prends le départ d'une course, tu dois avoir le dossard. Tu dois empêcher la tête. Attends. Revenons. Qui étaient les organisateurs du championnat de Vaucluse? Qui étaient les organisateurs du championnat? Le comité de Vaucluse. C'est des pompes. Et voilà, et ils ont dit, nous, on s'en était pas rendu compte. Certains, même très haut placés. Mais c'est pas les très haut placés. Les très haut placés, ils sont dans leur cahute, ils s'en tapent. C'est le commissaire qui est là pour faire son boulot. Messieurs, est-ce qu'il y avait une déjeuner juste avant? Non, ils n'ont pas eu le temps de déjeuner. C'est des pompes. Parce que des fois, il y a des fractures de Côte du Rhône. Après, il ne faut pas s'étonner que vous perdiez des adhérents et des coureurs très régulièrement. Les dirigeants sont des pompes. L'exemple ne vient pas d'en haut. Ben, il ne faut pas s'étonner, point barre. Non, c'est pas. Non, tout le fait, ça ne rend service à personne. Une histoire comme ça. C'est vraiment rocambolesque. Voilà, c'est un voilà. Petit peu à la pagnolesque. Là, on voit vraiment une fédération qui est dans le déclin. Le comité n'est pas bon. Il va falloir un petit peu lever un petit peu la poussière et lever les personnes qui sont plus adaptées. Quoi, hein. Parce qu'il y a du sport adapté, on va y venir avec quelques minutes. Et là, les gens, par contre, sont très professionnels. Fred, je voudrais juste rebondir dernier coup, et après j'arrêterai, promis, sur l'argument de Didier, qui nous dit, oui, mais quand même, on aurait pu fermer les yeux, parce que c'est Serghini, notre meilleur coureur. Eh bien, on ne ferme pas les yeux, Serghini ou pas Serghini. Il y a une type, rappelle-moi son nom, il y a 7 ou 8 ans au championnat du monde d'athlée qui a juste... Trois ans, qui a enlevé son t-shirt ou qui a bousculé une marmotte, là. Non, il a bousculé personne et il a retiré carrément son maillot d'athlétisme sans passer avec... Et lui, il a été suspendu. Alors, Sarguigny ou pas Sarguigny, La FIFA lui avait mis un carton jaune. Et le comité de Vaucluse l'a blanchi. C'est la fédération espagnole qui a porté plainte comme quoi il fallait appliquer le règlement. Alors, bien sûr qu'il faut appliquer le règlement. Alors c'est sûr qu'il y a la tête espagnole est passée troisième, mais après... Il a été contrôlé positif. Voilà. Bravo. Ah, mais ça, c'est des valeurs d'athlétisme, Didier. Voilà. On pourrait y revenir si tu veux. Il n'y a pas que l'athlétisme, mais bon, je tenais à le dire. Messieurs, on va prendre une voix un petit peu plus douce. Florence, cette histoire. Oui, alors, nous, je vous avoue très franchement qu'à ce moment de la journée, je pense qu'on n'était plus sur place parce que nos sportifs avaient fini de courir et qu'il faisait très, très froid quand on les a mis au chaud. Mais en tout cas, nous. Ils avaient tous leur dossard, juste vous aurez précisé. Alors, ce Kevin, tu veux un petit peu de nous aiguiller. Vous avez couru avant les championnats de cross. Alors, explique-nous comment ça s'est déroulé. Voilà, en fait, dans le Vaucluse, on a aussi un comité, nous, dans notre fédération, qui est la Fédération française du sport adapté. Mais il n'y a pas de championnat départemental de cross, ce qui n'est pas obligatoire dans notre fédération. On peut directement faire un championnat régional pour accéder ensuite aux France. Donc le championnat régional de cross-country, depuis 3 ans, se déroule en même temps que le championnat départemental de Vaucluse. Très bien. Pour promouvoir le sport adapté, et puis effectivement pour s'appuyer aussi sur la technicité du comité d'athlétisme. Mais là, il va falloir peut-être revoir un petit peu la chose. Il va falloir Alors moi, je ne suis pas du tout experte en athlée. Mais moi, avec mes sportifs, en tout cas, ça s'est très bien passé. Alors, et donc, on a des résultats. Voilà, là, c'était notre première participation à nous à Tom. Il faut savoir qu'il y a eu 20 coureurs, donc déficients intellectuels, qui ont concouru sur 3 divisions. La division 1, où ils couraient un 4000 mètres, la division 2, un 3000 mètres, et la division 3, un 2000 mètres. Voilà, nous, on a concouru sur la D3 avec nos 4 sportifs. Mais Florence, tu as couru toi aussi à côté? J'ai couru avec eux, tout à fait. Bon, je suis arrivée avec mon dernier coureur, mais c'est à cause de moi, j'allais pas assez vite, je pense. Mais donc, on a fait une 3e place. Tu n'as pas demandé d'être repêchée, d'être première. Bon, on te l'aurait accordé. Si, j'y suis allée, mais j'ai pas réussi. On va se faire des amis ce soir. Non, on a une belle médaille de bronze au championnat régional de Youssef Mahi, donc un de nos coureurs, une 4e et une 5e place au pied du podium et une 8e place sur 12 au départ. On est content du résultat. Et donc ensuite, il y a eu d'autres clubs de la région qui sont venus, entre autres deux clubs du 13 et un club du 83. Voilà. Tu croyais ce classement de tes coureurs J'avais aucune ambition de médaille. Moi, mon objectif, c'était que mes coureurs là, qui s'entraînent depuis septembre, c'est pas énorme, septembre 2016, avec Michael Ferrec, leur entraîneur, et en partenariat avec le Sorg Athlé 84, finissent leur course et prennent du plaisir. Et ben, le contrat est rempli, tout le monde a fini sa course, on n'a pas eu d'abandon. Vous serez présent en France? Eh bien, j'attends les résultats avec les temps officiels de Youssef, entre autres, qui a sa 3e place. Mais je pense que c'est fort possible qu'il soit qualifié pour le championnat de France. Tu seras obligé de courir au championnat de France, alors ? Alors, je crois que j'ai pas le droit de courir au championnat de France. J'aimerais bien l'accompagner. Non, ouais, pour l'accompagner, parce qu'il va falloir quand même trouver un Non, non, le but, ça va être... Non, parce qu'il y a toujours, un lièvre, de toute façon, sur le début de la course. Même en France, il y a un vététiste. Non, ils n'ont pas besoin d'être accompagnés pendant leur course. Alors, hier, c'est vrai que j'ai été surprise, parce que Mickaël et moi, quand on a fait la reco, on s'est trompé de boucle. Donc, on leur a montré une boucle qui... Je suis une pompe aussi, qui n'était pas la bonne. Mais malgré ça, ils ont couru super bien, ils ont suivi les rubalises et les gestes des signaleurs. On n'a eu aucun problème. On est 2, ils étaient 4, donc à un moment on ne pouvait pas être avec tout le monde. Et ils se sont très bien débrouillés. Après, il y avait des encouragements et il n'y a aucun souci. Ils se sont vraiment bien débrouillés. Et donc, si avec surprise, on a, On a Youssef Mahi qui est qualifié pour le championnat de France qui se passe à Cholet en mars. Ben, bien sûr qu'on va l'accompagner. Et tu seras du déplacement à Cholet? Ah oui, c'est loin, mais on va y aller. Oui. On sera ravis de l'accompagner. Là aussi, une organisation compliquée où vous avez à Tom des points de relais? Alors, on attend déjà de savoir ce qu'il en est. Ensuite, la Fédération française de sport adapté est très très bien organisée pour ça. Elle nous donne des filons d'hébergement, tout ça, et nous fait énormément de facilitations financières. Ensuite, dès qu'on saura si c'est faisable, on va s'organiser au mieux pour le faire participer absolument à cette compétition. Quels étaient vos horaires pour votre cross? Vous êtes arrivé bien avant toutes les catégories du Vaucluse ou non? Vous avez été intégré au milieu? Alors, on a couru sur des courses du cross départemental. Ah, Didier, tu peux intervenir? Voilà. Oui, je vois que tu es gêné de le dire. Moi, j'y étais, ils étaient ménagés, ils étaient tous ensemble. D'accord. En fonction des catégories. Ah, voilà, oui, nous, par exemple, en Détroit, on a couru avec les Benjamins sur leurs 2000 mètres. Voilà. D'accord, ok. Après, la D2 a couru avec les minimes sur le 3000 et la D2 a couru avec les minimes. Ah oui, c'est très très sympa, c'est très très bien. D'accord, ok. Et la D1 avec les cadets. Oui, en plus, c'est de plus pour eux. C'est génial, c'est génial. En termes d'émulation pour eux et de stimulation, c'est super. Et puis, moi, ce que j'adore aussi observer à ces moments-là, c'est des Benjamins, des minimes, des cadets qui découvrent des grandes AD derrière eux, qui n'ont pas tout à fait la même tête que tout le monde, mais finalement qui courent à côté d'eux, voire des fois devant eux. Bon, ils ont des grandes jambes, c'est contre les Benjamins. Mais non, c'était super. Encore une fois, on a eu des super retours. Alors, parlons plus sérieusement, Didier. Merci, oui. Florence. On est sérieux quand même. Mais en tous les cas, on est très heureux d'avoir vu que l'association Atom a pris beaucoup de plaisir dans ce championnat de cross. Revenons à l'affaire Sirguigny. C'est classé. Est-ce que ça s'est déroulé pareil pour les autres classements? Est-ce qu'il y a eu du Sirguigny 2 dans les différentes catégories? Il y en avait une où il n'y avait pas son short aux dernières nouvelles. Il court toujours après derrière. Voilà, il paraît qu'il y avait beaucoup de photographes et qui prenaient de photos. C'était venteux, c'est pour ça que bon, il y a eu des tenues quand même, toi. Et il était au courant, moi j'ai rien dit. Hein. Ah, tiens, je ne savais pas ça. Tiens. Alors non, soyons plus sérieux, revenons un petit peu à ce championnat. Pourquoi est-ce que après cette affaire Sirguigny, est-ce qu'il y a eu d'autres surprises? Non, il n'y a plus eu d'autres surprises, mais je tiens à remercier quand même Aurélien Caillé qui n'a pas pu venir et qui m'a donné plein d'infos au niveau de ces jeunes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de ces Benjamins, son équipe a pris la deuxième place et c'est Mario Bourdon qui est un jeune un garçon qui s'est imposé dans cette course en tant que Benjamin 2. Ensuite chez les Benjamines, elles font deuxième par équipe au niveau de Sorgue. Chez les Ménines filles, elles font deuxième par équipe. En cross-long, l'équipe homme fait sixième. Et il me l'avait signalé puisqu'il travaille également avec Florence. La place de Youssef, sa troisième place au niveau régional en tant que garçon, sport adapté pour ce garçon. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que aussi Sorgue était représenté. Ils étaient représentés au meeting des volcans. Écoutez, parce que moi je veux savoir. Sorgue était Laisse-moi finir. Ils étaient représentés. Parce que tu fais que dire, il faut voir. Mais nous, on tu vas avoir rien. Du mal ce soir, Didier. Ah non, c'est passé là. Il y avait le meeting des volcans à Aubière, qui était un meeting en salle. Bien. Oui, dans ce meeting, il y avait 33 finales sur 400 mètres, et il y a un jeune Sorgue qui s'appelle Sylvain Guichard, qui a fait deuxième sur sa finale directe en 52-88, c'est son record personnel. Il ne va peut-être pas encore être qualifié pour les France, mais 52-88 pour un espoir et qui a démarré l'athlé il y a quoi, 3 ans. Chapeau à ce jeune garçon et aussi chapeau à Alexandre Ferrando, junior première année, 7-26 sur 60 mètres. Ah oui, donc, je connais ce garçon, voilà. Très très bien. Ah, tu connais. On va faire un duo, bien sûr. Donc, l'avenir est pour eux, ces deux garçons. Donc, pour Alexandre, hein, qui est junior première année, et puis cet espoir sur 400. Alors, Didier, on est dans la piste. Parlons un petit peu de ce qui s'est passé avec Christophe Lemaître sur cette course d'initiation. Il a fait un super temps. Ce qui a étonné tout le monde, parce qu'il venait en décontraction et à la sortie. Des fois, voilà comment ça se passe en athlétisme. On se met la pression dans des grands meetings et tout pour faire des résultats. Et là, on vient en délit détente et presque on fait quelque chose d'exceptionnel. Et le résultat, il est là, puisque bon, on se prend trop la tête. Et c'est vrai que... Non mais c'est vrai, mais messieurs. C'est très souvent le cas avec Lemaître. Il a souvent des... Christophe, ouais. Il a souvent des grosses... performance justement dans les meetings un peu moins importants que dans les championnats. Alors c'était quoi cette course Didier? Alors c'était un des premiers meetings indoor à Tignes, en altitude. Et apparemment, il n'y a pas que lui, il y a eu d'autres résultats, j'ai pas tous les résultats, mais c'est vrai que l'équipe de France avait bien été représentée. Et je tire chapeau à Christophe et puis aux autres, hein, parce que je sais que quelques petits chronos étaient sympas. Je crois bien qu'il y a quelqu'un même à la longueur, mais j'ai pas son nom en tête, qui a fait une perf, et un autre au triple saut aussi. Et ton chouchou, on va dire, on va se le cacher. Renaud Lavillini. Oui. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il va revenir? Renaud... Parce que Renaud a morflé ces Jeux Olympiques, l'a un petit peu assommé. Il a beaucoup de mal à retrouver son engouement à la perche en ce moment. Je trouve un garçon qui a été affecté. Oui, et il prépare sa revanche surtout au Japon pour les championnats du monde. Ça sera à 6 mètres, hein, parce que le Brésilien est bon. Hein. Le Brésilien est bon. Il a sorti le saut le jour J. C'est là qu'on voit s'il sera véritablement un grand champion ou un très grand champion. Les très grands champions, ça fait la différence dans les moments compliqués. On verra s'il est capable de rebondir. Alors, on prend le cas aussi de Sergueï Buka les moments compliqués. Des fois, il passait à la trappe. C'est vrai. Malgré que c'était lui qui a eu le record du monde. Et c'est pas toujours le plus facile. Allez, le temps que vous retrouviez un petit peu quelques mots et puis surtout de la discussion après Sergueï, on va laisser tomber. On va passer la pub et on revient après. Allez, on revient avec Didier Bougon, on est avec Florence Gonfalone de l'association Atom. Maintenant, on va carrément passer à la bourse, on va pouvoir se dire des bêtises. On va revenir avec Didier Bougon, bien sûr, sur ce championnat du Vaucluse. Didier, les surprises, on en a parlé déjà. Maintenant, oui, parlons un petit peu des choses qui sont normales et des coureurs ou des concurrentes qui ont été à la hauteur de ce championnat du Vaucluse, qu'on retrouvera au championnat régional qui va se dérouler où, Didier? Alors, ça va se... Je vais t'en sortir une, mais moi, ça me fait pas plaisir, mais bon. Si, mais rire, ça va être à l'hippodrome. On a le bulldog avec nous. Roberti. Je voulais que ça soit normalement dans les Bouches-du-Rhône, sur un autre terrain. Roberti. Alors là. Alors ça y est, on recommence, quoi. On y retourne. Quoi. J'ai su que les élus avaient mis la pression. Non, tu es sûr que c'est les élus soit... Non, je le sais, puisque j'étais à une manifestation qui était l'Assemblée Générale qui avait eu lieu en octobre ou en novembre dernier au Pontet, et l'élu avait tiré la sonnette d'alarme si le Pontet pouvait avoir de nouveau en terrain conquis le championnat régional. C'est ce qui s'est fait, alors que la priorité au départ c'était rappelle-toi Didier, il y a des coureurs qui en ont marre de Roberti. J'en suis tout à fait conscient. Et bon, ça va une fois, deux fois, mais à la troisième ça peut... Par contre, peut-être que tricheront pas là, c'est mieux Roberti. Là au moins ils connaissent le parcours, il n'y a pas besoin de rubaliser. Voilà. Depuis le temps qu'ils le font. ils peuvent courir même les yeux fermés, hein, puisque c'est un hippodrome. Hein. Oh là là là là, ce soir, tac tac. Alors moi, ce que je voulais parler quand même, c'est d'un interview d'une certaine personne dans un éditorial. Et dans cet éditorial, le Carpentracien, qui est quatrième et qui est à la place, Brahim Elossini, se dit « Je prépare les championnats de France ». Mais encore, faudra qu'il se qualifie. Parce que déjà aux régionaux, certains de nos athlètes, dont lui, se prennent des belles casquettes. Alors moi, je l'attends aux interrégionaux. Alors vas-y, annonce les casquettes. Quoi, parce que se qualifier déjà pour les France, ça veut dire que... Qu'est-ce qu'il a fait ce garçon? Qu'est-ce qu'il a fait au championnat? Jusqu'à présent. Au championnat du Vaucluse, qu'est-ce qu'il a fait? Au championnat de Vaucluse, là, il est gagné. C'est lui qui a eu le titre, vu qu'il fait quatrième. Ah. Mais à la base, quand arrivent les régionaux déjà... Ah oui, parce que tu sais, Fred, que quand tu finis quatrième, tu es champion, alors que c'est le seul sport où tu peux finir quatrième ou cinquième et être champion, parce qu'ils font courir des types qui n'ont pas le droit de courir. Mais ça, c'est un petit peu le championnat de France. Alors, le championnat de France, c'est terrible, on a décliné, on a tout. Oui, mais là, c'est pareil. Je l'ai jamais vu actuellement se qualifier. En plus, il dénigre sur les poursuivants qui étaient devant lui, le 2 ou le 3e qui est quelqu'un de sa famille, qui est de Carpentras, et qui disait, bon, ils ont triché, ok, ils passent à la porte. Mais avant tout, il faudra déjà se qualifier, parce que pour se qualifier, ils ne sont pas énormes dans le département, et je suis surpris par cette interview. Quand je l'ai lu, ça m'a vraiment surpris. Je ne crois pas qu'il est temps que quelqu'un mette de l'ordre dans ce sport. Avec les dirigeants, les athlètes, parce que c'est un peu du grand n'importe quoi. Non, là, c'est du sport individuel. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas trop de repères et on n'a pas de personne qui est un petit peu à la tête de tout ça. C'est un petit peu de l'individualisme et tout le monde se prend pour, comme quand on joue au football, dans tous les petits clubs du Vaucluse, tout le monde veut faire du Zidane. Quoi. Alors, et pour être Zidane, il n'y en a qu'un. D'une, déjà, il faudra qu'il évite de courir tous les week-ends pour son magasin qui est son partenaire. Oui, voilà, que, voilà, voilà. Didier, c'est ça. France et la qualif pour les France, ça se prépare. C'est pas en courant tous les week-ends avec un maillot d'un magasin. Si tu peux le dire. Voilà, voilà. Et ensuite, dans les courses où ils sont toujours gagnants, il n'y a pas de l'adversité. Alors moi, je prends un exemple. Quand je courais, hein, quand j'étais à Sorgue, Didier nous a rejoint après, quand j'étais dans le déclin, mais quand il y avait Thierry Pantel, on avait une tête de proue, on avait un personnage qui ne parlait pas trop, mais c'était champion de France de cross-country et tout. Lui, il n'avait pas à parler, il avait juste à courir. Joseph Chermonte, voilà. Qui était à Bagnols-sur-Cèze. Là, c'était des garçons qui réglaient tout le monde, non? Il mettait dans l'ordre. Je prends Jean-Philippe Martinez. Chevalier, il s'appelait Chevalier. Chevalier. De Sorgue. C'est Buchaillé. Buchaillé qui se targuait de faire les championnats de France. Il est arrivé juste avant les coupeurs de cycle. Non, mais c'est pas pour le critiquer. Mais je peux vous assurer, il a pris une rouste. Hein, ce qui s'appelle. Là, le problème. Donc, juste pour faire comprendre que quand tu vas au championnat de France, c'est pas parce que tu t'appelles Buchaillé que tu vas briller. Et non, pas plus, du tout. Là, le problème, c'est que ces types qui courent toutes les semaines, qui s'allient dans les petites courses de village, là, ils courent contre Pipo et Bimbo. Au bout d'un moment, à force de gagner contre Pipo et Bimbo, ils croient qu'ils sont forts. Et en fait, c'est des pompes. Et dès qu'ils arrivent à l'étage supérieur, ils se font secouer, allumer. Non, on n'est pas là pour. Et au lieu de leur remettre des pieds sur terre, en plus, ils accusent d'avoir triché. Alors qu'ils devraient plutôt se remettre en question, mais. Ah mais bon, voilà. C'est parce que bon, aujourd'hui, il n'y a pas de personnage emblématique. Alors, du cross. En plus, au CSMA, il n'a pas couru, c'est Eddy Bouazaoui, puisqu'il a quitté donc, le club de l'ASCO Marguerite pour rester en terre vauclusienne. Eddy a des problèmes au niveau des tympans, et quand il fait très froid, il préfère s'abstenir. C'est des gros problèmes qu'il a. Et maintenant qu'il a ses 42 ans, c'est un peu plus dur pour lui. Donc j'espère qu'il sera repêché pour courir au régional. Combien de coureurs au régional? Oh là, il y en a pas mal. Tu es qualifié d'office selon par l'équipe et selon les places. Combien d'athlètes? 100, 150. Oui, largement. Mais à partir des régionaux, c'est là qu'on va voir vraiment les athlètes, comment ils vont sortir les tripes et comment ils vont se qualifier aux inter, où ça va se faire normalement dans le Var. Florence, toi, juste au championnat de France, il n'y aura pas d'interrégion, il n'y aura rien pour tes coureurs? Non, on va essayer de faire avant des courses avec le Sorgat les 84 pour mettre dedans, mais il n'y a pas entre le régional et le France. Est-ce que des fois, comme il s'appelle, celui qui est qualifié pour le France, pourrait participer au régional pour essayer de tenir un petit peu la... Oui, après, il faudrait voir sur quelle catégorie on peut le faire courir. Mais juste pour avoir, pour rester dans le rythme, on va dire, de la compétition. Bah, c'est un projet, on va voir ce qu'on peut imaginer, parce que de toute façon, en étant au Sorgat les 84, je ne sais pas quand est le régional. Le régional, au niveau du parcours, FFA, disons que c'est un parcours quand même... La date, c'est le 22. Le 22 janvier, si tu ne le sais pas. Ah oui, c'est très bientôt. Oui, le championnat de France pour toi. Et le 11 mars. Voilà, c'est pour ça. Ouais, c'est sûr que d'ici là, il faut maintenir. Mmh. Ouais, pour que ce soit compétitif. Je vais essayer, je n'ai pas trop développé, c'est au niveau des catégories D2 et D3. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi ça se situe au niveau des catégories au niveau FFA? D1, D2, tu veux dire plutôt? Parce que D3, nous, on a couru donc le 2000 mètres avec les Benjamins. D2, c'était 3000 avec les minimes et D1, 4000 avec les cadets. Donc voilà, à peu près. Après, il y a une course homme, une course femme. Et ensuite, aux France, voilà, pareil, trois divisions et les catégories d'âge également. Voilà, je suis très admiratif de Florence Gonfalone pour sa gentillesse et son dévouement pour cette association et pour tous les pilotes, du moins pas tous les coureurs. Qu'est-ce que c'est pilotes, là? Oui, non. Alors, parce que Didier est en train de me faire voir un truc. J'ai complètement déraillé, messieurs, là, excusez-moi. Pascal Terran est rentré en réunion. Il m'avait prévenu d'un créneau horaire et la semaine prochaine, on pourra l'appeler puisque c'est le président de Cavaillon et qui était. Ça aurait été bien qu'on l'ait ce soir. On n'était pas très en forme. En plus, on aurait pu être gentil avec lui. Merci. Merci, messieurs, dames. C'est la fin de cette émission. C'était la première de 2017, elle a été ce qu'elle a été. On retrouvera bien sûr des invités de la semaine prochaine. On retrouvera peut-être Jean-Yves dimanche sur un terrain. C'est possible puisqu'il va y avoir du train, il va y avoir ce fameux derby là, entre Carpentras qui va venir défier les Entraigois. Je ne sais pas trop Fred, il faut que je vois mon planning personnel, mais je ne sais pas. peut-être. Voilà, on aura bien sûr les infos bien sûr de la Fédérale 2. Vous savez que Guillaume Marquis, on l'aura au téléphone, on essaiera de prendre l'interview parce que Guillaume a mis un terme malheureusement à sa carrière de rugbystique puisqu'il a eu un petit problème au dos. Il nous expliquera en détail ce qu'il en est vraiment, puisque c'est vraiment une grosse douleur pour la SBC. C'est une très très lourde perte pour le groupe joueur de la SBC. C'est un beau cadeau que par contre pour le management, puisqu'il intégrera le management rapidement de la SBC, il va venir donner un coup de main aux deux coachs et nul doute que son expérience sera très très très profitable. Voilà, merci Florence. De rien, à bientôt. Continuez votre travail. Oui, on viendra vous dire si Youssef est qualifié parce qu'il est très gratifiant vu les résultats. Ça veut dire que vous êtes très assidu avec ces garçons et ces dames. Merci, à bientôt. Didier. Merci à tous et à toutes. Et puis à la prochaine pour une prochaine Sarguini alors. Dernier mot avec Henri. Ce programme sportif vous a été offert par le groupe Béduci, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région. Plus d'infos, www.beduci.fr.